assez fou pour l'écouter. La chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et on reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. C'est un assemblage requis et ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi. On est quoi, le 27 septembre 2011? Oui, on est le 27 septembre 2011. On t'en dirait que... Blanc. Merci François-Olivier Marchand. T'es-tu bonne humeur? Oui, je suis bonne humeur. Toi, t'es bonne humeur? Ben oui, certainement. Ben c'est super certainement, ça. Certainement, c'est tout ce que je veux, moi, ton bonheur dans la vie. Oh non, c'est pas vrai, t'es pas si fin que ça. Qu'est-ce qu'il y a là? J'allais dire que, tu sais, le matin, j'espère tant que tu sois de bonne humeur pour qu'on puisse être de bonne humeur ensemble et tout, là. Ah ouais? Ouais. Oh. Faire de la radio, mettons. Exemple. T'es doux. Oui, soft and tender. Tender. Soft and tender. Comme une bâtonne, là, bartender. Bartender. Ah, oh, Mathieu Plante. Comment ça va? On a assez dit nos noms. Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Passer une belle soirée? Passer une soirée très courte. Tu le sais, en fait, nos soirées sont quand même courtes. Si on veut se lever de bonne heure et être en forme. Hein? Et divertir la population! Divertir le Québec en entier. Oh oui, ben oui, c'est sûr. Par Internet? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je voulais pas minimiser notre portée. Non, tu minimises tout le temps. Bon. Sauf ce qui est important dans la vie. Ça, je le maximise. Oh! Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non! Sûrement pas. Du tout. Aujourd'hui, à l'émission, François, on a la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Sa chronique littéraire va nous présenter. Ça veut dire un livre. Comme à toutes les deux semaines. Oui. Livre intéressant. J'ai hâte de savoir de quoi elle va nous parler. Elle aime nous surprendre. Oui. C'est ça qui est le fun. Oui, et Dieu sait que Mathieu aime se faire surprendre. Oh, voilà. Tout à fait. Hein? Une autre... Surtout par Marie-Pierre. Évidemment. On a aussi une autre surprise de la part de Stéphanie Gagné. Oui, avec ton plat favori. C'est quoi la surprise? On sait pas. Encore une fois, nous, le mardi, c'est la journée où on a les yeux bandés, on a les mains attachées dans le dos. Ça a l'air kinky, tout ça, soudainement. Ouais. Ça fait un peu... Ouais, c'est un peu bizarre. Et puis, toujours, en fait, qui va suivre ton plat favori, le dessert délicieux de Mathieu. Et les crudités de François-Olivier. Oui. Chacun notre petit coup de cœur d'accompagnement, quoi. Oui. Moi, c'est relativement simple, par exemple. Moi, je vais te parler d'une activité à faire. Ah, ouais. Avec les mouvements de main que tu fais, on dirait vraiment que t'as une activité dans le lit, là, tu vas voir... Non. Tu vas voir de quoi je veux parler. OK. Ça a l'air louche. D'accord. Ça a l'air le fun. C'est ça que t'aurais dû dire. C'est ça, tout à fait, oui. Bon. Alors, on a aussi une chronique, c'est un fait, évidemment. Oh. Hein, ben oui, mais là, c'est un fait. Tu ne peux pas avoir cool, un assemblage requis sans ça. On va parler, entre autres, de sourcils. Ah, oh, c'est cool, ça. De sourcils, oui. On va parler aussi de poulet. De poulet? Ah, wow. Un petit peu de Star Wars et des abeilles. Wow. Hein? Finir avec des abeilles, wow. Non, mais des abeilles, Colin, là, gars. Des abeilles qui font du miel, là, pis tout, là. C'est ça, là. C'est ça, le sujet, Ben là, c'est moins pire. Ça vient tout clarifier, j'en suis sûr. Il y a aussi une collègue CNX, la collègue la plus geek de la radio. On va parler de nouvelles, là, geek, là, du moment. Les choses là, qui se passent en technologie de ces temps-ci. Entre autres, sur BitTorrent, des producteurs qui imposent une amende de 10$. Sur BitTorrent? Sur BitTorrent. Une amende de 10$ pour en partager des fichiers BitTorrent. On en parlera tantôt. OK. Ça commence à devenir cher. 10$. 10$. Ouais. Mais pour l'instant, on commence avec la musique de Elliot Brad. Voici sur l'album Days into Years. Voici Northern Air. Bonne émission, François. Merci. C'est gentil. Que répondre? Quoi répondre? Ouais. Comment faire des phrases? Back up to the lakes. Little time to think. Let some trouble sink. Watch the sunrise. Light a little fire. Watch the smoky lines. Cut between the pines. Cut between the pines. The darkness in our minds. Shed a little light. So far away tonight. So far away tonight. So far away tonight. Wait, I see it long. Waters deep and calm. As we travel on. Back to that little pond. We can see you there in that northern air. Dans l'assemblage requis. Elliot Broad! Elliot Broad! Proud. Oui, c'est ça. Ou Broud, comme dirait les Québécois, sûrement. Eliott Broud. Broud. Bon. On l'aime. On l'aime. Il est donc, c'est fou, 89 FM, François-Olivier Marchand, c'est l'assemblage requis. On va parler des activités du campus. Exactement, exactement. En fait, là, qu'est-ce qui se passe sur le campus, Mathieu? Hein? Est-ce que tu sais? What's happening? What's happening? Et on commence, en fait, il n'y a pas grand-chose, en fait. J'ai fait quelques activités au début de la semaine pour aller directement au 28 septembre. Ah. Et le 28... Demain. C'est ça. Mercredi. C'est en plein ça. Donc, on parle du 20e Salon des vins des Patriotes. Ben oui. Et c'est de 16h30 à 21h30, évidemment, au CAPS. Il y a des fromages aussi, pas juste du vin. Là. C'est ça, exactement. C'est la SAQ qui présente le 20e Salon des vins de Trois-Rivières au profit des Patriotes de l'UQTR. Sous la présidence d'honneur de Carole Kane et Michel Bergeron. Billet en pré-vente, c'est 20$, 25$, 25$ en fait le soir de l'événement. 25 bidou. Bidou bidou! En vente dans tous les succursales de la SAQ de la région. Donc pour information, vous pouvez toujours contacter. Téléphoner au 819-376-5254 au poste 4423. Et on sait que c'est une des seules sources de financement externe, en fait, là, des Patriotes. Donc c'est important et c'est bon. Ça peut être bon. Oui, ça peut oui. Et ça peut être très agréable. Tout à fait. Et rencontrer des gens, puis placoter, puis avoir du plaisir. Oui, tu sais, quand on a trop bu de vin. Toi, je t'aime bien. Ouais, c'est ça. Hey, c'est Mathieu Plante. La vedette, hein? La vedette. Quel calibre de vedette. Exactement. Donc, voilà. Et sinon, en fait, on se reporte déjà au 29, ce qui veut dire... Jeudi. Mais oui. Et ça se déroule à 17h. C'est une exposition des images et des mots. Et ça se déroule au Parc Champlain, directement au centre-ville, en fait, à Trois-Rivières. À côté de l'hôtel de ville, la bibliothèque. Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Et ça se passe aussi à la bibliothèque. Okay. Donc, les deux sont en lien. C'est un vernissage de l'exposition des images et des mots sur l'esplanade du Parc Champlain. Donc, voilà, en fait, pour les intéressés, ça peut être très, très agréable. Tout à fait. Pas mal plus agréable qu'un vernissage de filles, d'habitude, dans le salon. Quand tu sais, quand elle se fait les ongles pendant que tu regardes la télé, puis c'est comme super déconcentrant. Puis comme, tu sais, peux-tu monter le volume? Parce que là, moi, un peu, je peux pas prendre la manette, puis j'ai du vernis. Ça, ce genre de vernissage-là, c'est plate, ça. Mais ça, l'autre genre de vernissage sur le Parc Champlain, c'est parfait, ça. Ça, c'est plus le fun. Ben oui. Ça, c'est plus le fun. Ben oui. Hey, je te parle aussi de l'Assemblée générale annuelle de l'AGE UQTR. C'est quand, ça? C'est mercredi, le 28. Demain. Oui. À midi, au 10-12 Néré-Bouchemin. Donc, allez-y en grand nombre. En fait, c'est important. C'est à vous autres. Ouais. Allez dire votre opinion, là. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Du moment, là. Exactement. Voilà. Donc, présentez-vous là. C'est mercredi à midi. Au 10-12, et je crois qu'il y a une levée de cours. En plus, pour permettre aux étudiants, en fait, de se présenter. Espérons qu'ils vont le faire, alors. Oui, mais ils n'ont pas de raison de ne pas le faire. Ben, c'est ça l'affaire. Exactement. Et puis, il y a toujours une manifestation aussi contre la hausse des frais de scolarité. Ça va se dérouler, en fait, le 4 octobre prochain. Et évidemment, c'est à Trois-Rivières. Le départ est au Ludoplex. Et c'est à 8h le matin, en fait, une présentation de votre AGE. Donc voilà, et le 4 octobre, on dit non à la hausse. On dit non, et ça c'est mardi prochain. De scolarité. Oui, le 4. Ouais, 4 octobre. Donc voilà, c'est important. Allez-y, un grand nom. Merci beaucoup, François. Mais j'ai pas terminé. Non. Ben, j'ai terminé pour le campus. OK. Là, je te parle du festival Envoie les Macadam. Envoie les Macadam. Il y a tellement d'artistes là-dedans, là, les Last Assassins, entre autres. Moi, j'aime ça, c'est celui que j'aime le plus dire. Ben, je vais te le faire répéter tantôt. OK, vas-y. Et puis, c'est ça, ça commence, ça prend son envol. Et son Macadam. Je m'appelle Mathieu Plante. Ouais, c'est bon. là, tu me vexes, par contre. Oh, là, c'est pas vrai. Non. Donc, le 29 septembre, jeudi, voilà, en fait, ça commence. Il y a plusieurs bons groupes. Donc, jeudi, en fait, on peut entendre Radio, soit dit en passant, The Dead Set. Voilà. Soit dit en passant, cela étant dit. Mais je m'appelle François-Olivier Marchand. Oui. Ah, boy, boy. Ah, boy. Donc, voilà. Oui, Azalea Dying. Non, attends, pas là. On y va par journée. Okay, par jour. Oui, on y va par journée. Donc, voilà. C'est un peu tout pour le jeudi. C'est pas la plus grosse soirée, c'est on s'entend. Ouais. Et sinon, on se transporte vers le vendredi, le 30, ouais. Avec des bands comme Band of Skulls, Jean Leloup et. The Last Assassins. Merci, Mathieu. Il y a Men Without Hats. We can dance if you want to. We can even dance. C'est drôle, c'est quand même, mais. Oui. C'est très bon, ça. Moi, j'adore ça. Ouais, je trouve ça con, là, mais j'adore ça. Cette chanson-là, je sais pas, elle m'a toujours resté dans la tête. Bon. Je pense que c'est un vieux sketch de Conan à un moment donné qui avait fait quelque chose là-dessus. Ça me reste. Ça se peut, ouais, ça se peut. Donc voilà, il y a Rise Against aussi, Flogging Molly in the Black Pacific. Et ça, le vendredi 30 septembre. Par exemple, un petit bémol à la programmation. pour ce spectacle, en fait, faut pas seulement que tu achètes la passe, faut que tu achètes un billet. La passe est valide pour les 3 jours pour tout sauf ce spectacle-là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ce que je trouve dommage un peu. C'est bizarre parce que en même temps, c'est quel groupe? C'est Rise Against, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, Rise Against. Non, c'est quand même le plus gros groupe qui compte, ça. Oui, c'est le plus gros groupe, mais pourquoi tu mets ça dans le volet macadam si t'es pour faire payer à part? Parce que je comprends pas. Les billets, c'est pas les prix, hein? Est-ce que le billet de Rise Against coûte plus cher qu'un passeport? Parce que peut-être qu'ils pensent que les gens achèteront pas de passeport quand même, donc il faut qu'ils fassent leur argent avec juste le spectacle. Je pense que oui. Ouais. Je pense que le billet coûte un peu plus cher. Mais c'est ça, si t'achètes le passeport, c'est que tu vas encourager à envoyer les macadam puis tu t'aimes la musique, ben tu vas aller voir Rise Against aussi. Hein? C'est ça, ça fait partie de la programmation. Ben oui, c'est là le bémol. C'est louche. Tu sais, il y avait l'affaire, je sais pas c'était quelle autre affaire, là. C'était-tu Coachella, en tout cas un autre gros événement de musique où t'avais un groupe très très connu, mettons le vendredi soir, et ben il fallait que t'achètes une passe pour le vendredi soir au complet, qui était indépendante du samedi-dimanche. Ça, c'était... Voyons. Oshiaga, ben oui. Avec vendredi soir, il y avait Eminem. C'est ça, exactement. Oui. Ouais. Ça, c'est Monday, non? Oui, ben c'est mieux. Oui, ça, c'est mieux. Que juste un groupe tout seul. Ça, c'est mieux, c'est ça, exactement. Tandis que si. Il pourrait vendre la passe. Au moins, faites un forfait tout inclus. Mais mettons, c'est ça. Faites le 3 jours tout seul, oui, mais faites aussi 3 jours et Rise Against, c'est pour un gros prix. Exactement. Ouais. Et c'est spécial parce que je pense que Rise Against, premièrement, ça doit être sold out. Là, on s'entend. Ouais, mais en même temps, ça peut t'aider à amener des gens les autres jours. Ben oui, voilà. Mais bon. Hein, parce que tu sais, si t'as un rabais, puis mettons, tu combines le kit au complet, puis ça coûte moins cher que des ajoutés à part l'un de l'autre, ben là, le monde va le prendre quand même, puis vont peut-être aller voir des spectacles qu'ils seraient pas allés voir. C'est ça. Logique. Puis, ou sinon, ils vont aller boire une bière sur le site. Au pire. Puis c'est bien correct, ça. Ça fait de l'argent, ça aussi. Ben oui, c'est ça, exactement. Et que, donc, voilà, en fait, pour le vendredi 30 septembre. Et puis, sinon, on se transporte le samedi 1er octobre. Grosse journée aussi. On a des bands comme Protest the Hero, Blood for Blood, I Am, rappeur. Hein? Oui. Je pensais que tu allais dire quelque chose. Non, The Exploited. Il y a As I Lay Dying. C'est à peu près ça. Ouais, les gros noms, mettons. Ouais. Il y en a beaucoup. Belle programmation, on remplit le genre. Belle programmation, moins belle que l'année dernière. À mon avis, à moi, personnellement. T'étais allé? Ouais, j'y avais été. J'avais été, et puis c'était le fun. C'était qui les gros noms que t'étais allé voir? Hein? J'avais été voir, il y avait Millen Collin, un Ben, en fait, là, que j'adore. Tu capotes. Oui, je capote dessus. Capote. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Against Me. Il y avait. D'ailleurs, Against Me, on pourrait peut-être en entendre ce matin. Ben oui. Hein? Hey, tantôt, clin d'œil. Il y avait. Il y a eu Hybrid aussi, il y a eu Mastodon, il y a eu. C'est à peu près ça. Souvenir, je pense, j'en oublie. Ouais. Ouais. J'en oublie forcément. Mais bon. Bon. C'est comme ça. Okay. Donc, on va les macadam les 29-30 et 1er septembre. Oui. Et on a une paire de billets à faire tirer, Mathieu. Hey. Oh! Hey, tu parles d'une surprise. Je m'attendais pas à ça. Il faut nous téléphoner au 819-376-5183. 819-376-5183. On va prendre l'appel numéro 3. Mettons. 3? Oui, parce que... 3, parce que 3 jours dans Envoi les macadam. Exactement. Et 3 mots dans Envoi les macadam aussi. Oui. Uh-huh. Et puis, en fait, les billets qu'on fait tirer ne sont pas bons pour le spectacle de Rise Against. J'aime mieux le dire d'avance. Ben, c'est ça. On veut pas passer une genre de lapin. Là. Passer un lapin, monter non. un bateau. Non. Donc voilà. Appelez-nous. Appelez-nous pendant qu'on écoute Arcade Fire et The Suburbs. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 819-376-5183. Maintenant! Grab your mother's keys. soaking, drinking, moping, cross his arms and hope to die. And then a fairy came one night to bring the sorry boy to life. She pulled some strings, spun him about. That boy sprang up and began to shout. My arms, my legs, my heart, my face, they all burn. Show he was for real. And she would take those gifts and kisses, though just stringing him along. She knew about those wooden boys. It's an empty love to fill the void. Cry, liar, liar. I promise you, but then it grew. He had grown tired of her, so it was true. He left her apartment and he walked all night long till he was stopped by the shore of the ocean. But still he walked on amongst the whales and the waves and screamed, liar, liar, at his bloody body floating away. He just drifted away. And now I wonder how I was made. Now I wonder how I was made. My own. Matinale en pièces détachées, assemblage requis. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. C'est le moment de ton moment préféré de l'émission. Oh, oh, oh, oh, oh! C'est Annix! Maintenant, on va se coucher, mais qu'on soit mort, attention. Ça, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Hey, c'est qui la voix mielleuse qu'on entend dans ton entrée? C'est la superbe et magnifique Marie-Ève Picard. Oh! Oui. D'accord. Le nom veut rien dire pour personne, mais c'est la copine à Mathieu Blais. Eh ben oui, bravo. Salut, chérie. Salut, chérie. Donc, commençons avec un article assez perturbant de Ali McKenna. Moi, s'il te plaît. Oui, ben, moi, c'est mon passant préféré. Ali McKenna de Technote.ca qui nous raconte cet article-là. Donc, je vais vous lire quelques extraits. L'industrie musicale américaine met en ce moment à l'essai une nouvelle tactique pour décourager les internautes habitués au téléchargement par BitTorrent. Ça, c'est le partage de fichiers. Là. Et qui fonctionne très bien. Hein? Extrêmement quand bien. Quand tu downloads, quand tu télécharges, ouais. Excuse-moi, aujourd'hui, la plupart des gens le font comme ça. Oui, ben c'est ça. La plupart des gens le font comme ça. Évidemment, il y a plein de choses à dire. T'sais, ça va pas tout le temps être rapide. Il y a des gens qui vont l'essayer, qui vont trouver ça lent. C'est parce qu'ils trouvent quelque chose de plutôt obscur et que personne ne le partage. Parce que dans le fond, c'est pas centralisé. C'est pas comme Kaza qui a un genre. Ben, en fait, Kaza non plus, c'est pas centralisé. Bon, je sais pas. C'est pas comme Napster ou en tout cas les autres affaires où tu. Où c'était une banque où là, tout le monde allait chercher. C'est ça. Alors que là, c'est vraiment tu te branches sur les ordinateurs des autres avec BitTorrent. Bref, ils proposent une amende de 10$. Donc, maintenant que les producteurs de contenu ont le droit d'obtenir le nom des clients des fournisseurs de services Internet canadiens, l'imposeront-ils ici aussi, demande-t-il. C'est plus une façon de collecter les sous d'un phénomène qui leur échappe, mais des producteurs de contenu ont mandaté une agence basée à Los Angeles pour essayer un nouveau genre de riposte au phénomène BitTorrent. La très bien nommée Digital Rights Corp procède ainsi à l'envoi massif de courriels menaçant les personnes ciblées de représailles en cours pour pouvant se solder jusqu'à une véritable amende de 3 000$, à moins qu'il se règle immédiatement à l'amiable pour 10$. Tu vois, Jean? Donc, ce règlement immédiat prend la forme d'un paiement par carte de crédit instantanée sur Internet d'une somme de 10$. Et je cite, « Si vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez sur le site de Rights Corp, pour 10$ par infraction, vous serez légalement libéré par les propriétaires du contenu. » Tu vois, moi, là, ça me dérangerait même pas et même ça me ferait plaisir de payer 10$ pour ceux qui veulent absolument, tu sais, régler ça à l'amiable. Tu sais, mettons, un film connu, tu sais, genre, je le télécharge par BitTorrent, ça me dérangerait même pas de payer 10$. Attends un peu de 10$ par film. Ben c'est ça, peut-être pas par chaque film, mais tu sais, ça dépendrait peut-être des compagnies qui sont derrière chaque affaire. C'est quand tu prends quelque chose de super obscur que personne va se rendre compte que tu l'as téléchargé, bon, c'est tu perds à rien. Mais quand tu télécharges quelque chose de connu, mettons, moi ça me dérangerait pas. Je préfère payer 10$ pour ça que d'aller payer, je sais pas, 20$ pour un film sur iTunes avec aucun bonus puis rien, tu sais, mettons. Non, c'est sûr, ou mais au magasin 25 ou tu sais. Ouais, mais tu sais, mettons, un film, c'est quoi? C'est 15... Ouais, ça dépend. 15, j'avoue 20. Que 10$, c'est proche du prix que tu paierais peut-être en magasin. Tu sais, au moins, t'as une pochette, au moins, t'as le DVD, ouais. Tu sais, tandis ouais. que... Mais si ça arrivait un peu sur juste quelques affaires, mettons, ça, une fois ouais. de temps en temps, tu sais, comme autant que là, ça m'est déjà arrivé de recevoir une notice, tu sais, un avertissement pour certaines affaires, des fois, là. Mais sinon, moi, j'aurais rien contre à payer pour un forfait. Ouais. Qui me donne droit, mettons, je sais pas, je dis peut-être 50, 60, peut-être même 100$ okay. pour un an. Ouais. Et dans l'autre, ce que tu veux, imité. Mon ami. Ben oui. Vas-y. Mais c'est ça. Parce que comme ça, ça pourra pas être distribué à chaque propriétaire de façon équitable. Ben, à la limite, oui. Ouais. Dans le sens où j'ai un compte, il voit ce que je donne l'autre, mais tu sais, à savoir, là, par exemple. Ce serait peut-être compliqué à gérer. Ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine, mais je pense que. Faudrait peut-être plus s'en aller dans cette optique-là. Ben, je pense que t'as raison. J'aime bien ton point. J'aime ça. Ou encore, tu sais, justement, sur des sites comme iTunes ou sur Amazon, tu sais, baisser vraiment les prix là, pour que ce soit vraiment équitable. T'sais, on en parle souvent. Ouais, là, ouais, les aussi, prix aussi. Sont pas tellement plus bas comparé à, comme tu dis, une pochette. Puis la livraison, tu sais, tous les gens qui doivent les placer sur les planchers, ça paye tout ce monde-là. Puis tu payes genre une pièce ou deux de moins sur iTunes pour la même affaire, mais qu'il n'y a aucun shipping, aucune personne qui s'en occupe. C'est juste du numérique. Je comprends pas ça. C'est ça, exactement. Et tandis que si tu changes de site, tu peux le retrouver gratuitement. Ouais, tu sais, c'est tellement pas de vœux. Mais continuons sur le sujet. L'entreprise fait un suivi méthodique de l'action sur les réseaux de téléchargement poste à poste, identifie les adresses IP des utilisateurs et, comme le font également parfois les producteurs de films américains, envoie une missive aux fournisseurs de services Internet concernés, leur demandant, dans le fond, de transmettre le courriel en question aux propriétaires des adresses sollicitées. Digital Rights Corp ne possède des clients que dans l'industrie musicale américaine et refuse de dire si sa formule connaît du succès. Dans une entrevue avec le site Paid Content, le directeur de l'exploitation de la société indique par contre qu'il peut suivre la trace de films, de livres numériques et de tout type de contenu passant par le téléchargement P2P. Donc ça suit vraiment, vraiment tout. Ce nouvel agent pourrait déborder les frontières américaines puisque les studios américains ont récemment obtenu de la Cour fédérale du Canada le droit d'exiger des FSI, les fournisseurs de services Internet locaux, le nom de clients soupçonnés d'avoir téléchargé du contenu par BitTorrent afin d'intenter d'éventuelles poursuites. Donc aux États-Unis, ils peuvent demander aux fournisseurs Internet canadiens de fournir votre nom et votre adresse pour vous retracer si vous avez fait du téléchargement illégal sur les sites américains de BitTorrent. Oh. C'est assez intense, cette affaire-là. Ça donne comme vraiment plus envie d'utiliser ce service-là du tout. Ou au moins trouver une façon de contourner ça. Hein. Pour ceux qui veulent faire ça, jamais moi, voyons donc. Mais non. Parlons encore de piratage un petit peu. Tiger Mate, un pirate informatique, affirme avoir détourné pas moins de 700 000 sites, François. 700 000. Le pirate aurait réussi à défacer 700 000 sites hébergés sur le réseau de InMotion Hosting et se serait introduit dans un des centres de données de la société et a ainsi pu procéder à son défacement massif. La société a confirmé l'attaque ainsi que le défacement de plusieurs des sites web hébergés sur ses serveurs. Elle précise toutefois avoir remis sur pied la plupart des sites visés. Un patch de sécurité est aussi proposé à ses clients. Le pirate signe ses actes sous le nom de Bangladeshi Hacker. Il affirme donc avoir piraté 700 000 sites d'un seul coup. Et je cite, « Et c'est peut-être un nouveau record mondial. » Tu penses? Après avoir soumis 200 000 domaines, Zone H était hors ligne de manière trop régulière et ne répondait pratiquement plus à la fin. Je n'ai donc pas été en mesure de modifier tous les sites web. Donc, il aurait continué. J'ai donc dressé une liste de tous ces domaines. Ce n'était donc pas seulement un piratage de serveur, mais en vérité, j'ai piraté un centre de données complet. Le pirate explique également être celui derrière le piratage de Google au Bangladesh. Quelque chose d'un petit peu, je dirais morbide. Peut-être difficile d'écoute, mais quand même, vous allez voir. La rédactrice en chef d'un journal local du Mexique a été assassinée par des narcotrafiquants pour avoir dénoncé leurs agissements sur les réseaux sociaux. Maria Elizabeth Macias Castro a été retrouvée décapitée samedi 24 septembre dans un jardin public de Nuevo Laredo dans l'état de Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique. À côté de son corps, les policiers ont retrouvé un carton expliquant pourquoi les narcotrafiquants l'avaient tuée. Et je cite, « Nuevo Laredo en vivo et autres réseaux sociaux, je suis la Niña de Laredo et je suis ici à cause de mes messages et des vôtres. Le message était signé Z, que la police a attribué au cartel Zetas, qui est très actif dans la région. Maria Macias avait utilisé le pseudonyme La Niña de Laredo pour poster des informations à propos du cartel sur des sites comme Nuevo Laredo en vivo et Nuevo Laredo Live. Elle s'est également servie de Twitter pour aiguiller la police sur la localisation des lieux de trafic. Elle n'avait donc pas tenu compte des menaces des trafiquants alors que 10 jours auparavant, 2 personnes avaient été retrouvées pendues à un pont de Nuevo Laredo avec un message similaire comme avertissement. Donc, elle a parlé contre eux sur Twitter et ils l'ont retrouvé. Ouais. Toujours dans le domaine des médias sociaux, Tumblr, cette solution hybride qui est comme un croisement entre Blogger, WordPress et Twitter qui permet à l'utilisateur de partager du texte, des images, des vidéos, des liens, des sons. Ils viennent de lever 85 millions de dollars américains en financement pour poursuivre leur développement. Donc Tumblr, c'est un site, c'est un blog. Dans le fond, tu fais une adresse, mettons françoisvmarchand.tumblr.com, exactement. Et tu postes là-dessus. Ce qui est surtout à la mode en ce moment, c'est les blogs avec un seul sujet. Donc, je sais pas, des photos du gars de Dawson's Creek en train de faire des clins d'œil. C'est juste ça tout le temps. L'autre, ça va être des animaux en train de se battre. Ça va être juste ça. C'est tout le temps des sites spécifiques à un petit sujet. Mais ça peut aussi être un blog normal, là, comme un WordPress ou un Blogger. Ce qui est pratique, c'est le style de média que tu peux avoir. Donc, chaque affaire que tu postes a un look particulier. Si tu choisis de poster une photo, ça va faire une belle petite galerie. Un son, ça va faire un beau petit lecteur MP3. C'est quand même bien fait. Donc, d'après la journaliste du New York Times, Jenna Wortham, l'annonce de ce financement a été effectuée. C'était hier, lundi. Donc, les investisseurs identifiés par TechCrunch sont Greylock Partners, Inside Venture Partners et plusieurs autres. Une ronde de 125 millions de dollars. Donc, ça monte à 125 millions de dollars, les sommes recueillies par Tumblr. Donc, on pourrait s'attendre à ce que, comme Twitter, ça devienne vraiment populaire au Québec dans, je dirais, 6 ou 7 ans, au rythme que les choses vont. Non, mais Tumblr se nuit, c'est peut-être un petit peu au Québec. Et ailleurs dans le monde avec le fait que Tumblr, c'est difficile à expliquer aux gens comment aller voir. T-U-M-B-L-R, c'est pas évident comme adresse. Même chose pour Twitter, mais ça a pris du temps avec les gens s'habituent, peut-être parce que c'est difficile à prononcer, peut-être que c'est, je sais pas. Théorie comme ça, ça peut-être pas vraiment de sens, mais voilà. Bientôt des iPod, iPad et iPhone à l'énergie solaire, François-Olivier. Oh! C'est vrai. Une liste de brevets publiée le 20 septembre révèle qu'Apple a obtenu son 2e brevet relatif à l'énergie solaire juste en 2011. Il n'est donc pas impossible que la firme de Cupertino produise un jour des appareils portables alimentés par le soleil, nous dit cet article qui nous provient de canoë.ca. Cette liste, qui comprend une 20aine de brevets nouvellement accordés à Apple, a été rendue publique par le US Patent and Trademark Office, qui est l'organisme des brevets. L'un de ses titres, le 8022-571, a trait à l'intégration de cellules photovoltaïques dans un appareil électronique portatif, ou plus précisément aux méthodes, systèmes et dispositifs permettant d'installer des circuits capables de piloter plusieurs cellules photovoltaïques afin de produire de l'énergie utilisable par un appareil électronique portable. Hein? C'est la 2e fois cette année qu'Apple se fait délivrer un brevet relatif au solaire portatif. Le premier remonte à janvier. L'introduction des énergies renouvelables dans l'électronique personnelle se profile comme le champ de bataille où s'affronteront bientôt les titans de la haute technologie. Samsung a d'ailleurs annoncé le 20 septembre la sortie d'un netbook 10 pouces solaire qui est le NC215S. Mais là, c'est ça, là, il faut pas juste que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne bien. Il faut être capable de le recharger rapidement avec... Ça pourrait être quelque chose qui va arriver. Les gens vont l'utiliser. C'est les early birds, early adopters. Là. Ça va marcher moyen, puis la technologie va avancer. Puis à un moment donné, ça va être tout partout. Mais ça va être le fun, ça va être vraiment bien. Un jour. On peut que rêver. Pour l'instant. Des détaillants dont Best Buy et Future Shop ont abaissé de 100$ le prix demandé pour les trois versions du Playbook. Tu sais, le Playbook, on voit les annonces à la télé des fois, là, c'est une tablette tactile, la Playbook. La Playbook de RIM, la Research in Motion, là, ceux qui font BlackBerry. Donc, la tablette électronique de RIM n'arrive pas à rivaliser avec le populaire iPad géant américain Apple. Les ventes de Playbook ont été timides et les critiques des spécialistes plutôt mauvaises. Pas autant que l'autre, là, comment il s'appelait, là, celui qui ont descendu à 100$. Là. Je sais pas, et que là, ça s'est vendu de manière incroyable. Des petits pains chauds, celui de choses... HP, non? C'est non, c'est pas HP, c'est ceux qui font Colin. WebOS, là. Voyons. Ah, il ne me revient pas. Donc, l'entreprise ontarienne a livré quelques 200 000 tablettes Playbook au cours de son plus récent trimestre, soit environ la moitié de ce que les analystes financiers prévoyaient. L'action de RIM a gagné 1,6% lundi pour clôturer à 22,34$ à la bourse de Toronto. Je vais aller voir juste rapidement WebOS. Juste des fois que le nom me reviendrait. Ce serait donc pratique. En tout cas. Donc, toujours dans la chronique CNX, la chronique la plus geek de la radio. C'est Palm qui faisait l'autre. Parlons un petit peu de jeux vidéo rapidement. Un centre d'appel de 200 personnes pour Star Wars The Old Republic. BioWare a annoncé l'ouverture d'un centre d'appel et de service à la clientèle en Irlande, plus précisément dans la ville de Galway. Le nouveau bureau aura comme mandat d'offrir du support pour le jeu massivement multijoueur et en ligne Star Wars The Old Republic, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. BioWare prévoit engager 200 personnes en prévision du lancement du jeu. Le premier ministre du pays, Enda Kenny, s'est réjoui de cette décision de BioWare. Le gouvernement irlandais semble avoir investi de l'argent dans cette aventure. Donc, on s'entend que ça va être un jeu difficile, c'est ça? Star Wars The Old Republic pour avoir une ligne téléphonique à 200 personnes 24 heures par jour. C'est quelque chose. Et puis, dans une année où Zelda, Dragon Quest, Metroid et d'autres ont fêté leur 25e anniversaire, une autre série mythique célèbre son quart de siècle d'existence. Est-ce que tu peux deviner laquelle? Non. Est-ce que tu te rappelles de Castlevania? Ah oui! Ben oui, le 26 septembre 1986, donc vraiment aujourd'hui, il y a cela, là, 25 ans, sortait un certain Castlevania sur Famicom Disk System, l'équivalent de la NES au Japon. Il leur a fallu plus de 2 ans pour que le titre de Konami débarque sur les NES européennes et américaines. Les aventures de la famille Belmont sont rapidement devenues cultes, fortement inspirées de Dracula, le roman de Bram Stoker. Le jeu proposait d'incarner Simon Belmont, chasseur de vampires qui devait traverser le château du célèbre comte du portail à la chapelle. Eh ben. Celui-ci était pour l'occasion muni de son légendaire fouet tueur de vampires et devait parcourir 6 niveaux d'action plateforme truffés de pièges et de monstres en tout genre. Une musique soignée et un défi de taille ont permis à cet épisode de connaître un grand succès, nous dit cet article de jeuxvideo.com, qui a eu pour conséquence de nombreuses rééditions, notamment sur Commodore 64, sur PC, sur Game Boy Advance, ça devait être tellement bon, et plus récemment sur la console virtuelle de la Nintendo Wii. La série ne pouvait donc pas s'arrêter en si bon chemin et on compte désormais quasiment 30 épisodes. Wow! Parmi ceux-ci sortent du lot Symphony of the Night, l'opus PlayStation, considéré comme l'apogée de Castlevania par les fans et qui possède encore aujourd'hui un parfum particulier dans le cœur de ces fans-là. On peut également citer les excellents, là je cite l'article, là, je ne les connais pas ces jeux-là, les excellents Area of Sorrow et Super Castlevania 4, respectivement sur Game Boy Advance et Super Nintendo. Et ça nous dit que dans le livre des records Guinness, Colin, ça dit que la série est détentrice de pas moins de 7 mentions dans l'édition Gamer du livre Guinness des records de 2008, dont la série d'action-aventure la plus prolifique et la série adaptée sur le plus grand nombre de supports. Ça me surprend, c'est bien ça, parce qu'ils sont... c'est cool ça. Certains épisodes récents comme Judgment ont été moins bien reçus par la critique et les fans. Castlevania reste un acteur majeur du monde du jeu vidéo et les rumeurs d'une adaptation en film. Bon, ils vont venir tout gâcher avec un film, toi. Non! Venez me gâcher une série de même avec un film. Super, hein? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup des bonnes séries de films de jeux vidéo. Hein? C'est ça. On peut les compter sur les doigts d'une main d'amputée, ça. Et on termine avec Text Mirror, qui est un site qui retourne seulement le contenu texte d'un site web. François, t'es au bureau. Ouais. Au bureau d'une compagnie qui a un technicien de l'informatique qui bloque tous les sites, là, mettons. T'sais. OK. Bureau d'une grande entreprise, tu peux pas aller sur Facebook, tu peux pas aller sur Twitter, aucun site de nouvelles. Donc, tu te sers de Text Mirror qui te retire seulement le texte d'un site. Hein? Tu sais, donc, mettons, t'arrives sur le site de, je sais pas, un article de Radio-Canada, tu rentres cette adresse-là sur le site de Text Mirror, ça va te donner seulement le texte. Et là, tu vas pouvoir le lire à ta guise sur ton ordinateur parce que ce sera pas bloqué pour l'instant, parce que éventuellement, Text Mirror va se faire bloquer comme les autres si les gens l'utilisent pour aller sur des niaiseries au travail. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de lien, il n'y a rien, c'est seulement le texte. OK, attends un peu. Là. Ce que tu me dis, c'est exemple, là, OK, je sais pas, là, en fait, là, RDS est bloqué. Ouais, genre. OK, je ne peux pas aller dessus, ça ne fonctionne pas. Pas tout. Là, je rentre textmirror, mettons, .rds.ca. Non, tu rentres textmirror.net, OK. Tu copies-colles l'adresse. Okay. Ce qui est dommage, par contre, c'est que vu qu'il n'y a pas de lien, tu ne peux pas aller cliquer sur un article, mais par contre, tu peux voir tout ce qu'il y a sur la page d'accueil. Et la plupart du temps, ce qu'il y a sur la page d'accueil, c'est la grande ligne de l'article. Okay, je comprends. Donc, tu vois tout. Si, Puis ça, je vais avoir accès à ça. Ça, tu as accès à ça. Okay. Tout ce qui est texte, là, vraiment, ça enlève les photos. C'est vraiment seulement le texte qui est puisé. Okay. Donc, pour ça, ça pourrait être pratique. Et si tu veux avoir un article en tant que tel, mettons, tu vas sur textmeilleur.net, tu trouves un article qui t'intéresse, tu prends le nom de l'article, tu copies-colles dans Google, ça te donne la page de RDS, tu copies-colles cette adresse-là, tu la refous sur textmeilleur, puis tu l'as ton article. Là, wow. Ah! Hein? Il faut trafiquer le système des fois pour avoir du succès. Donc, c'est textmeilleur.net, c'est super simple, ça fonctionne très bien. Et voilà pour ça, on va terminer comme j'aime le faire quand on a le temps et qu'on peut, là, par une pièce de chiptune, François. Oui, je sais, tu me voyais venir, hein, tu savais que ça s'en venait. C'est une pièce de Polar Birds et c'est la version arrangée de Rainbow Blade. Encore une fois, j'ai choisi à la main moi-même en l'écoutant, une chanson très catchy que tu pourrais aimer. Tu me diras si t'aimes ça, après on devrait avoir le temps d'en parler. Donc Rainbow Blade, tout de suite au 89 FM, c'est dans la chronique CNX d'Assemblage Rocky. Rainbow Blade. Est-ce que tu l'as aimé celle-là? C'est fini! Non, mais tu l'as aimé celle-là. C'est fini! Et catchy celle-là, François. C'est fini, fini! Tu l'aimes pas? Ah, c'est pas super, pas super, pas super. Moi, c'est le. The Game Boy, le Nintendo. Ah, j'aime ça. Ah ouais, je sais pas. J'écoute tellement de chiptunes que moi, c'est rendu normal. C'est peut-être comme les fans de métal. Tu devrais t'acheter, c'est ça, une Camaro, un T-top, mettre ça dans le fond, le prendre au centre. Wow, ça serait vraiment le fun. En passant, pour ceux qui aiment le chiptune, ça, c'était le numéro 3 du palmarès de 8bitcollective.com. En fait, c'est 8bc.org, leur adresse. OK, ça, c'est un palmarès des... C'est ça, de chiptune. Donc, c'est une communauté de gens qui envoient du chiptune et je prends toutes mes musiques. Là, c'est vraiment super bon. François, tu as un site à nous conseiller, toujours dans CNX, quelque chose de vraiment intéressant. Oui, oui. En fait, là, je viens de tomber là-dessus. C'est comme révolutionnaire. Souvent, en fait, on se pose la question, bon, qu'est-ce que je vais manger pour souper? Tu sais, du poulet, du poisson, à un moment donné, ça va faire. Oui, t'as fait le tour. Sérieusement, t'as fait le tour. Et puis, sinon, écoute, tu recommences. Puis, non, en fait, là, si on veut s'éloigner de la routine là, le plus possible, j'ai un site pour vous. En fait, ça s'appelle « What the fuck? Should I make for dinner? » Qu'est-ce que je devrais faire pour souper.com, genre? Exactement. Et ça te sort une recette par jour. En fait, tu cliques et puis le site est relativement simple. Et puis, il y a en bas, en fait, là, tu peux appuyer en fait sur un bouton pour dire que t'aimes pas ça ou que tu manges pas de viande. Ah ouais, ben c'est ça. Peut-être que tu manges pas de porc aussi. Différentes religions peuvent ne pas manger la même chose. Est-ce que t'as un exemple de quelque chose d'aujourd'hui ou? Ben là, en fait, là, j'ai pesé sur le bouton que j'aimais pas ça, donc il me sort une recette. OK. Là, c'est. Attends un peu, je vais peser parce que. Tabarouette, hein? Tabarouette! Non, mais ben, il sort des noms, là. Un saumon grillé avec. Une salsa de maïs blueberry corn. C'est quoi blueberry corn? C'est bleuet quoi? Corn maïs. Comme du maïs au bleuet. Je connais pas. Mais ça fait découvrir des choses. C'est ça, maïs bleuet frais avec un saumon gris. Ça va bon. Justement, c'est ça. C'est un site en anglais, donc peut-être que des fois, vous allez avoir certaines difficultés. Mais en gros, on se comprend que Google Translate fonctionne très bien pour les mots que vous ne comprenez pas. Sinon, c'est ketchup puis tablespoon. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Exact. C'est ça. Donc, c'est what the fuck quoi? What the fuck should I make for dinner? What the fuck should I make for dinner? Je vais aller poster ce lien sur le blog tantôt. Yeah! Ça va aider, je pense. Oh, ouais. Voilà pour la chronique CNX. C'est aussi la fin de la première heure de cette édition d'Assemblage requis. On se retrouve dans quelques minutes tantôt. Et dans la deuxième heure, c'est notre heure remplie, comme toujours, de chroniqueurs des plus divers. On va voir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Elle nous présente un de ses coups de cœur de la semaine. On sait pas ce que c'est peut-être du chiptune, elle aussi. Laisse-moi douter. Ouais, c'est ça. On a aussi Marie-Pierre Laforge. Bourret. Peut-être que c'est un livre de chiptune. Peut-être un livre de... Ah, peut-être comme les cartes de fête que tu ouvres, ça fait... Ça sonne comme ça un peu, non? Un peu. On pourrait avoir de la cartoon. Un peu. Oh. Ouais. Ça serait bon. Moi, j'en écouterais tout le temps. J'aurais une collection de petites cartes et je les ouvrirais. Je serais la la la la la la. L'info campus s'en vient, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Mardi 27 septembre 2011, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante, @mplante@commercial.gmail.com. Merci beaucoup. C'est quoi... Envoyer des virus, là. Vision... Alors, je le dirai pas au complet. Hein. Ça va plus être... les gens vont t'envoyer des bêtises. Hein. Ouais. Ouais. Moi, on sait qu'il y a personne qui va m'écrire, parce que pourquoi voudrais-tu écrire à Mathieu Plante? Parce qu'il est beau. OK, parce qu'il est bon. Ben, deux, OK, ouais. Parce que il sent bon. Ouais, trois. D'accord. Parce qu'il est un peu nono. Hey! Là, j'étais avec toi jusqu'à la troisième affaire. Donc, deuxième heure de l'émission, on attend encore les nouvelles de Stéphanie Gagné. On va voir Steph, ça. Steph, lève-toi! Voyons, c'est quoi l'affaire? Elle est à Gatineau, elle, là. Sûrement, il y a eu un merde dans son quartier. Non, excuse-moi. C'est un quartier pas safe, on l'a dit. On a peur pour elle, bon. C'est de même. C'est comme ça. C'est ça. On écoute Salomé Leclerc. Voici Tourne encore sur le palmarès francophone. J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine posé les plumes aux pieds. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain. Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore. Sur de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. Pense à lui, pense à. Ben, c'est temps. La prochaine, hein? Je te rappelle le Reine de France. Chiptunes. Chiptunes, c'est ça, c'est un cadeau pour toi. Parce que je sais que t'aimes la musique de jeux vidéo. Reine de France. Ah, délicieux. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Je suis content. Reine de France, c'est la pièce Toxique Tuxedo dans Assemblage Rocky. C'est super bon. Moi, j'adore ça. Hein? Oui, c'est bon. C'est bon. Ça m'a réconcilié avec la tube tone. D'accord. Parce que tu vois, quand on a entendu pour la première fois dans le poste d'écoute la semaine passée, j'ai dit à notre directeur de la programmation et directeur musical, Alain Lefebvre, qu'on remercie, bonjour, que je trouvais que ça faisait pas très palmarès. Mais en fin de compte, il m'a dit non, ça fait palmarès. Mais en même temps, oui, ça peut faire palmarès. Parce que des pièces musicales qui sont à la mode en ce moment, qui ont un petit peu de musique qui sonne jeux vidéo en arrière. C'est pas nécessairement fait à partir de consoles de jeu, mais ça sonne comme des consoles de jeu. Ou pas? Ouais, ouais. Donc ça a du sens. Sinon, je comprends ça. Reine de France. Puis c'est pour ça que je vous dis, savourez mon chiptune dans ma chronique CNX. Hein? Parce que peut-être qu'un jour, ça va prendre le contrôle du monde, le chiptune. Hein? Je la trouvais drôle. Ou pas, ouais, c'est ça. On écoute un petit peu de Bravo Funkin en attendant notre ami Marie-Pierre Laforge-Bourret qui s'en vient tantôt avec sa chronique littéraire. C'est la prochaine chose pas mal sûr qu'on va faire. Hein? Ouais. Pas mal sûr qu'il n'y aura pas de ton plat favori aujourd'hui. Hein? Pas mal sûr. Parce que non. Ben, c'est pas grave, la semaine prochaine. Donc, Bravo Funkin, et on varie la pièce un peu parce qu'à un moment donné, Boîte à savon, c'est bien beau, là, mais ça joue pas mal souvent, c'est fou. Et elle reste bonne. Oh, ouais, ça y enlève rien. Mais varions la chose. Voici Cœur Rubik au 89 FM, c'est fou. La Radio Campus de Trois-Rivières. Plus de chiptune pour le reste de l'émission, je pense. Hein? Fini. C'est fini. J'aimerais tellement être la mèche du milieu, la tresse dans tes cheveux. Je glisse sur tes cils pour voir dans tes yeux les couleurs de ton bleu. Tu bats des paupières, ça m'envoie en l'air. J'aimerais comprendre ton tonnerre thoracique. T'aurais à prendre ton cœur. Through my holidays, are you coming? whispering voice while you are cuddling my side. I can touch your whispering voice as you say, as you say. As you say, as you say, don't let me on. Man Living on the City Landfill Site. De, qu'est-ce que tu disais en même temps que moi? C'est nos amis de Waving Hand. On a entendu aussi la pièce. Hey, j'avais oublié que c'était un bloc. Il était deux fois. On avait une petite chanson. Ouais, mais non. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça a fonctionné parce qu'il y en avait deux en même temps. Oui. Même artiste, mais pas en même temps, après l'autre. Ouais, c'est ça. Mais ça peut pas fonctionner parce que ça, c'est un groupe. T'as pas compris le principe encore, hein? On réexpliquera pas ça parce que les auditeurs vont être allés entendre nos explications un petit peu trop. Expliquez comme fou la première fois, puis ça va être correct. Deux artistes ou groupes. Avec deux. Un artiste ou groupe avec deux pièces du même, c'est ça? Marie-Pierre comprend, je sais qu'elle comprend. Je comprends, moi. Non. C'est pas dur, hein? Ben oui. J'ai déjà fait moi-même un deux fois deux fois. Arrête-moi ça, à quelle émission? Deux chansons qui avaient le même titre. C'est ça. Pas du même artiste. C'est pas ça non plus, la règle. Ah, ben là, je suis seul à comprendre la règle. Mais non, ça avait marché, tu m'avais dit que ça fonctionnait. Ah, c'est vrai. Voilà. Pour le besoin de la blague, ça fonctionnait très bien. En fait. OK. Donc, sur ce bloc, il était deux fois avec Waving Hand. On va transitionner de façon des plus subtilement possible à la chronique littérature ou la chronique littéraire de Marie-Pierre. Si on veut que ça rime. Hein. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Mathieu. Bonjour François-Louis. Une semaine sur deux contre soi, oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Pour ta chronique littéraire, tu nous parles d'un livre avec un nombre de pages et une couverture, des fois tout même. Tout à fait. Des fois, ils sont reliés, des fois, ça s'appelle couverture rigide, là, comme tu peux pas le plier. D'autres fois, c'est couverture souple. Ouais. Mais avant de vous parler de ce fameux livre-là à couverture reliée, là, okay. J'ai une autre chose à vous parler. Oui. En fin de semaine, le 30 septembre, à partir du 30 septembre, ce qui est vendredi, si je ne me trompe pas, jusqu'au 9 octobre, qui est le dimanche de la semaine suivante, mm-hmm. c'est le Festival international de poésie de Trois-Rivières. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, oui. Et comme c'est un événement auquel j'aime aller... Participer. Participer. Tu ne fais pas de lecture, mais... Ouais, non, c'est plutôt passif dans le sens qu'on est spectateur. Tu t'imprègnes. Oui, je m'imprègne. Ouais. C'est une activité à laquelle j'aime beaucoup, beaucoup aller parce que, j'ai déjà parlé de la poésie comme quoi certaines personnes étaient rebutées ou, la poésie, moi, je comprends rien. Ouais, on entend ça souvent. OK, ouais. On l'entend très souvent. Et ça, c'est une occasion pour découvrir la poésie autrement parce qu'au Festival de poésie, c'est les poètes eux-mêmes qui lisent leurs propres textes. Donc, c'est une ouverture sur leur, on peut dire, leur univers, leur intimité. Ils partagent avec nous des poèmes qu'ils ont écrits autrement que par le livre. Et c'est ce qui fait la beauté, selon moi, du Festival de poésie. Au Festival de poésie, entre autres, il y a des expositions d'art accompagnées de poésie. Il y a des ateliers gratuits. Donc, par exemple, si tu dis « Ouais, ça me tenterait d'essayer. Moi, j'aimerais ça. » Il y a plein d'ateliers qui sont donnés gratuitement, dans lesquels, j'imagine, c'est un poète qui est à l'avant. Puis bon, tout le monde... peut-être un thème ou un sujet ou quelque chose comme ça, et tout le monde s'exerce à écrire. Il y a également des rencontres avec des poètes. Donc, par exemple, si, Mathieu, tu sors tes poèmes d'adolescence... Ben oui, c'est ça. Tu sors tes poèmes d'adolescence puis tu te dis, moi, j'aimerais tellement ça les peaufiner, là. Uh-huh. Puis là, tu te dis, mais oui, mais je sais pas comment. Non, je sais pas comment. Ben c'est ça. Mais il y aurait une activité pour toi. Parce que là-bas, il y a des poètes qui offrent leur service au coût de 10$. T'apportes tes textes... Faut y payer! Hein? Faut y payer! Outrage au tribunal! Mais t'apportes tes poèmes et eux t'aident à les peaufiner. Ils bonne donnent idée. Des trucs sur la manière d'écrire, ce qui pourrait t'aider, ce qui serait à travailler. Donc, c'est une opportunité qu'on n'a pas très souvent. Également, il y a plein de soupers, dîners, apéros, pique-niques de poésie pendant lesquels il y a des lectures. Donc, tu manges et bon, il y a l'ambiance poésie. Et moi, ma section préférée qui est les lectures aux Zénobes. Moi, j'aime vraiment ça. Oui. Micro ouvert, c'est ça? Non, c'est pas micro ouvert parce que pour aller lire au Festival de poésie, il faut que ce soit des poètes invités. Ah! Oui, c'est ça. J'aurais dû préciser avant. Ça avait créé controverse il y a quelques années par rapport au... c'était quoi? Off festival. Ouais, c'est ça, le festival. C'est ça. Mais en même temps, si tu laisses la chance à tout le monde d'aller lire, des fois, ça donne des drôles de résultats. Donc, eux, ils veulent s'assurer que ça va être, j'imagine, de qualité. Donc, ils invitent des poètes, autant des poètes québécois, des poètes canadiens, que des poètes d'un peu partout dans le monde, d'où l'appellation Festival International. Oui, oui. Je me souviens, entre autres, des poètes... Ce qui est vraiment beau dans la chose aussi, c'est que parfois, il y a des poètes d'ailleurs, par exemple de Russie, mais qui ne parlent pas français. Okay. Donc, tu les entends lire dans leur langue d'origine. Et un traducteur. Par exemple, en russe. Mm-hmm. Moi, je me souviens, un des auteurs était russe. Puis, tu n'es pas habitué d'entendre la langue russe. La sonorité, oui. La sonorité. Donc, il lisait son poème en russe. Toi, tu l'écoutes, tu es un peu hypnotisé. Ça a quelque chose d'hypnotisant. Mm-hmm. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais après ça, il y a un traducteur qui traduit le poème. Après. Après, pour okay. que tu le comprennes. Donc, wow. c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a des poètes du Japon, des poètes de la Colombie, Russie, France, nommez-les. Là, il y en a de beaucoup, beaucoup d'endroits. Puis c'est ce qui est bien avec ce festival-là, c'est que ça permet aussi, j'imagine, de créer des liens entre les poètes puis de faire des associations. Et donc, les soirées au Zénob, je vous le conseille grandement. Si vous voulez juste aller familiariser avec la poésie, c'est... Oui, ouais, c'est sûr. Rendre ça aussi accessible à, ouais. à tous. Là. Mais des c'est fois, accessible on ne se sent tous. Pas touché par la poésie. Ça peut être bien, en fait, de s'adonner au jeu. Ça l'ouvre à tout le monde, parce que justement, il y en a qui trouvent que, bon, la poésie, c'est inaccessible un peu, mais c'est pas vrai. Tout le monde peut comprendre la poésie. Il s'agit pas de comprendre chaque mot, chaque phrase. Il s'agit juste de se laisser embarquer dans l'ambiance, de se laisser envelopper par le poème. Et se donner une chance aussi, tout simplement. Et donner une chance au poète aussi, par le fait même. S'ouvrir l'esprit. Ouais. Voilà. Donc, je vous invite au festival. Ben, je vous invite. Personnellement, aller au Festival international de poésie de Trois-Rivières du 30 septembre au 9 octobre. Moi, j'aime ça, le Rocktober. Le 9 octobre. Le 9 octobre. Donc, inclusivement, même il y a des choses pendant tous les jours de la semaine. Et ça va être très bien, ça. Parfait. Et pour ceux qui aiment juste l'envers, tu parlais du festival tantôt, on a reçu l'affiche récemment, le Festival de poésie de Trois-Rivières, c'est les 7 et 8 octobre. En fait, c'est ça, on l'a reçu ce matin. Oui, exactement. François, est-ce que tu es capable de lire leur poster complètement illisible? C'est quoi ça? Faudrait que je me lève. C'est l'OFF Festival de la poésie. Faut que tu sois très prêt pour le comprendre. Oui, je sais que c'est comme ça. Ouais, une François est levé debout. C'est à lire. Hein? Un petit peu, hein? C'est à peine. Hein? C'est à peine. C'est au bar Le Maudit. Bon, Colin, le bar Le Maudit, c'est au centre-ville, chaque côté. Ouais. Hein? Ouais. Ah, oui, super. Sur la rue Champlain, donc voilà. Et donc, pour plus d'informations, fiptr.com, Festival international de Trois-Rivières.com. Et ce qui est le fun aussi avec le festival, c'est que cette année, ils ont mis à l'honneur Gaston Miron. Oui. Qui nous a quittés il y a 15 ans. Mm-hmm. Donc, en 1996, il est décédé. Et ils l'ont mis à l'honneur. Donc, ce qu'on peut voir au festival en lien avec Gaston Miron, c'est qu'il va avoir ses mots exposés en images et lus par Chloé Sainte-Marie. Il y a également une analyse de Pierre Neveu, qui est un universitaire qui est biographe officiel de Gaston Miron, qui va venir faire une conférence. Et il y a également le spectacle Les 12 hommes rapaillés. C'est entre autres ce qu'il y a, Les 12 hommes rapaillés, qui plusieurs musiciens du Québec qui viennent rendre hommage à Gaston Miron en chanson. Ça, c'est quel? Ça, c'est plusieurs dates. Là. C'est ça, il y a le dépliant du festival... Je saurais même pas dire, c'est tout dans le dépliant du festival. J'imagine que vous pouvez le trouver dans pas mal les librairies de Trois-Rivières. Oui, ici, Café Morgane. Café Morgane. Centre d'information, centre-ville. Centre d'information, oui, il y en a partout. Là. Et ça, toutes les informations sont à l'intérieur. Vous pouvez le feuilleter, voir, cette activité-là, ça me tenterait. Donc, vous voyez toutes les possibilités du festival. Donc, un hommage à Gaston Miron et le porte-parole de l'événement étant évidemment Gaston Bellemare. Gaston Bellemare. Ouais. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre Lafont. Hey, mais j'ai pas terminé. Non, je sais que t'as t'inquiète. Okay. Elle a dit, attends, bouge. Hey, là, fais pas ta co-animatrice de la vie de croisière d'assemblage de qui? Je parle plus. Ou des palmarès. Dis-moi qu'en parler. Vas-y. Non, en fait, je trouvais que tu pouvais parler pas mal n'importe quand. En fait, tu devrais plus m'empêcher, moi, de parler parce que j'ai pas de sens quand je parle, hein? Hein, François? Non, il n'y a pas de sens. Surtout ce matin. Je sais pas ce qu'il y a. C'est levé, du bon pied ce matin. Il y a de bonne mort. Le chiptunes, peut-être, tu vas me dire. J'ai hâte à jeudi après-midi, animé avec toi. Tu vas être là? Ben oui. Cool. Évidemment. Ça va faire changement. C'est pas ça que tu disais matin. On a donc on a un livre, un bouquin, c'est vrai. À lire ensemble, au complet, pendant la prochaine heure. Non, c'est pas ça la chronique. Non, c'est pas ça la chronique. Okay. Et en lien avec le festival, donc je vous ai parlé qu'elle rendait honneur à Gaston Miron. OK. Et moi, j'avais jamais lu Gaston Miron. Ah non? Shame on me, oui. J'avais jamais lu Gaston Miron, qui est comme un des classiques et un des livres de poésie les plus édités, les plus vendus au Québec, probablement de tous les temps. Mm-hmm. Même quand il est décédé en 96, il y a eu des funérailles nationales pour un écrivain, ce qui était c'était la première fois que ça arrivait. Donc, c'est pour montrer à quel point il a été important dans la littérature québécoise des années 60, 70, 80. C'est un homme très important et j'ai décidé de le lire. Donc, L'homme rapaillé. Ce qui est intéressant avec Gaston Miron, c'est que ce qui est drôle, c'est que c'est son seul recueil. Donc, il y en a juste un poète national avec un seul recueil. Mais ce qui montre, ce qui vient confirmer son importance, c'est l'importance, la place qu'il a eue dans la poésie et dans la littérature des années, comme je vous l'ai dit, 60, 70, 80. Parce que Gaston Miron était éditeur, il a fondé les éditions de l'Hexagone, il a participé à la création de la revue Liberté, il a participé à la revue Parti pris, qui était une revue très politisée et pendant les années 60. Donc, à travers tout ça, il a réussi à se tailler une place. Sa mission était aussi de faire connaître la littérature québécoise un peu partout dans la francophonie, un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui a fait de lui le poète national. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que ses poèmes, ils ont été publiés pour la première fois en 1970, donc L'homme rapaillé en 1970, mais ses poèmes avaient paru un peu partout dans des revues, dans des journaux, pendant entre 1953 et 1970. Donc, c'est pas une présence d'un coup, bing bang, je vous livre L'homme rapaillé, c'est qu'il en a livré des petites parties un peu partout. Et c'est un recueil qui, oui, a été publié en 1970, mais il y a eu plusieurs éditions, et dans chacune des éditions, il retravaillait un peu. Comme pour lui, c'était un poète, un recueil de poèmes jamais terminé. Donc, s'il avait pu le retravailler encore longtemps, il l'aurait fait. Parce que selon lui, c'était pas définitif. C'était un poème, j'imagine, c'est comme l'idée de recueil ouvert, jamais terminé. C'est comme un Wikipédia, si on veut, de la poésie. Un Wikipédia de la poésie. Quel est tu veux, Mathieu? Analogie parfaite, je trouve. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait le fait qu'il ait été très, très politisé. Il s'est impliqué dans l'indépendance, dans les référendums, par rapport au fait de se libérer, de créer le Québec un peu libéré, décolonisé. Donc, c'est ce qui a fait de lui l'homme qu'il a été. Et ça, on le voit dans le recueil de L'homme rapaillé. Parce que les thèmes qu'il y a dans le recueil, c'est entre autres le lien à la terre, au pays. Souvent, il va nommer des noms de villes, il va nommer des noms de rues, il va nommer des endroits, il va parler de la neige, il va parler... On sent que c'est fait au Québec, tu sais, on le sent, on le reconnaît. Et il y a également, il va beaucoup parler de l'amour des femmes, en lien avec le pays toujours. Donc, de l'amour des femmes, beaucoup de poèmes d'amour. Il y a également le lien à la souffrance, toute l'idée d'homme colonisé, d'essayer de s'en sortir. Donc, on est un peuple, en quelque sorte, aliéné, puis lui, il revendique notre liberté. C'est un peu ça qui est présent au sein de justement, L'homme rapaillé. Et c'est visible à travers l'utilisation du joual. Donc, pas nécessairement qu'il va parler, ouais, non, un peu comme... Tu sais, il va pas parler en joual tout le temps, tu sais, comme par exemple Michel Tremblay l'utilise, mais il va utiliser des mots ou des tournures de phrases. Ouais. Donc, c'est très léger et parfois un peu plus compact. Par exemple, je vais vous en lire un petit bout. Où il utilise davantage le joual, toujours pour revendiquer... notre droit d'utiliser notre langue et notre droit à notre identité. Il dit, entre autres, « Yeti Flush, lui, c'est un blonde man. Watch out à mon seat over. C'est un testament de bon deal. Me voici l'unilingue, subilingue. Voilà comment tout commence à se mêler, à s'embrouiller. C'est l'écheveau inextricable. Je m'en vais à la grosserie. Pitch-moi la balle. Toi, scram d'ici. Il t'en rend un coup. » Donc, on le voit à travers... quelquefois à travers des poèmes. C'est pas tout le temps comme ça, là. C'est quelques extraits à travers le recueil, mais ça montre cet aspect-là. Et bon... C'est un testament de Bondy, en tout cas. Ouais. Mais moi, c'est ça, comme je te dis tantôt, c'est la première fois que je le lisais. Je l'ai lu assez rapidement, puis je crois que c'est un recueil qui vaut la peine d'être lu lentement. Donc, je crois, pas nécessairement demain, mais je crois que je vais le rouvrir et le relire lentement pour m'imprégner du recueil, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Et le recueil, en fait, est-ce que c'est un poème par page ou... Des fois, c'est un poème qui peut durer deux pages. Parfois, c'est un poème par page. C'est également divisé en sections. Donc, il y a plusieurs thèmes. Ben, pas plusieurs thèmes, mais plusieurs sections différentes. Par exemple, une partie qui s'appelle « L'homme rapaillé », influence, la marche à l'amour, l'abattage, la vie agonique, l'amour et le militant. Donc, c'est séparé en on peut dire, petite section de recueil. Là. Puis, à travers ça, des fois, il y a des poèmes qui sont beaucoup plus longs. Donc, si je ne me trompe pas, la partie de recueil, la vie agonique, ça s'étire. T'sais, c'est un très long poème. Donc, ça dépend. C'est pas uniforme comme recueil. Ça varie. Des fois, c'est plutôt... c'est un alexandrin, mais ça peut ressembler à un alexandrin dans le sens que c'est des strophes de quatre vers, puis des fois c'est totalement libre, donc c'est plutôt en prose. Fait que c'est mélangé, c'est pas uniforme, bon, c'est comme ça. Un poème par page, puis voici. C'est mélangé. Le mot rapaillé, ça s'applique à bien des choses dans cette vie. Ouais. C'est rapaillé. Mais c'est ça, ça montre un peu tout ça, je crois. Le désordre de la chose. Pas aussi ordonné que certains. Que les obsessifs compulsifs, mettons. Peut-être, Mathieu. Mais bon, je vous le conseille fortement. Et L'homme rapaillé de Gaston Miron. Et je vais terminer ma chronique en vous lisant un passage. je vais choisir une page. Je m'en étais sélectionné plusieurs, mais qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Non, vas-y, ton préféré, okay. tu vas le trouver. Oui, oh, oui, ça sent bien. Oui. OK, c'est Compagnons des Amériques. Compagnons des Amériques. Québec, ma terre amère, ma terre amande. Ma patrie d'haleine dans la touffe des vents. J'ai de toi la difficile et poignante présence, avec une large blessure d'espace au front, dans une vivante agonie de roseau au visage. Je parle avec les mots noueux de nos endurances. Nous avons soif de toutes les eaux du monde. Nous avons faim de toutes les terres du monde. Dans la liberté criée de débris d'embâcle, nos feux d'opposition s'allument vers le large. L'aïeul prière à nos doigts défaillantes, la pauvreté luisant comme des fers à nos chevilles. Mais cargue-moi en toi, pays, cargue-moi, et marche au rond le cœur de tes écorces tendres. Marche à l'arête de tes dures plaies d'érosion. Marche à tes pas réveillés des sommeils d'ornières. Et marche à ta force épissure des bras à ton sol. Donc, je vous en ai lu un extrait. Le poème continue. Et si je ne me trompe pas, celui-là, il a été repris dans le spectacle 12 hommes rapaillés. Ah. Ce que j'ai cru entrevoir hier. Donc, Est-ce que tu as écouté le CD? Non. Non? C'est ça, je connaissais absolument pas Gaston Miron. Puis je me dis, bah, j'aurais peut-être dû avant. Et puis, avec le recueil, est-ce que ça t'a donné le goût d'écouter le disque? Je serais curieuse. Ouais. Parce que, bon, je sais que Louis-Jean Cormier participe à ça. Yann Perrault, si je me trompe pas. Richard Séguin. Ah, ouais, il y en a plein d'autres. Ou Pierre Flynn, je crois. Donc, oui, je pense que ça pourrait être très bon. Oui, je suis curieuse. Mm-mm. Je suis en train d'essayer de le chercher, parce qu'on l'a dans la discothèque, je sais qu'on l'a, on va pouvoir le faire jouer. Ouais, dans tu les prends en maîtrine. Ça devrait s'en venir, on va voir, tantôt. Voilà, donc merci beaucoup Marie-Pierre, là c'est vrai que je te remercie pour la fin, là. Est-ce que t'as d'autres choses à dire? J'ai terminé de parler. Tu me dis si t'as d'autres choses à dire. Là. Je te le dis, j'ai terminé. Cherche, des fois que t'aurais d'autres choses, là. T'as tes notes, non? Rien là? Non, ça va. Okay. Donc Marie-Pierre Laforge-Bourret, j'ai essayé de remplir le temps pour trouver le CD, mais apparemment qu'il s'en vient pas. C'est pas grave. Une autre fois, tantôt peut-être. On a mais allez le voir pendant le Festival de poésie. Ben oui. On va voir le spectacle 12 hommes rapaillés. C'est le moment d'y aller. Allez voir les choses en hommage à Gaston Miron. En hommage. Festival de la poésie. Oui. On rappelle les dates? C'est du 30 septembre au 9 octobre. T'as encore dit octobre, j'aime ça. Ben, c'est le rhume. Je suis pas capable de dire comme il faut. C'est le rhume. Ouais, c'est le rhume. C'est pas grave. les liaisons entre les mots marchent pas comme ils veulent ce matin. Oui, j'aime ça. Merci encore. Ça fait plaisir. Merci, madame. De on va te retrouver dans deux semaines. C'est les mardis à 8h. Notez la nouvelle heure, encore une fois. Et la semaine prochaine, en rotation avec toi, c'est la chronique de Sébastien Dulude. Va voir ailleurs. J'y suis, lui aussi, dans le culturel underground, truc machin. Là. Vous complétez bien l'un l'autre dans les chroniques. On est deux littéraires. Ça a un lien. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, Sébastien Dulude, la semaine prochaine, toi, dans deux semaines. Et nous, pour l'instant, on écoute un bloc de musique anglophone. Un bloc pas de palmarès, François. Parce que des fois, on précise un bloc de palmarès, là. Mais celui-là, non. Ça, ben, il commence pour palmarès, il finit palmarès. Ah. Je regarde ça, moitié-moitié. Tantôt, il y a Roman Man. On débute avec Diamond Rings. Voici Wait and See. I'm falling into something different. How should I know? Oh, whether I should trust my instinct farther than I can throw. Oh, playing with the double dagger, changing the rules, hanging down and out past midnight with the freaks and the ghouls. Retaliating with silence, running away in place, chanting. on situations out of my league. I just need some provocation, and I'm down on my knees. Je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. Lentement, je m'affale de tout mon long dans l'âme. Je marche à toi, je titube à toi, je bois. À la gourde vide du sens de la vie. À ses pas semés dans les rues sans nord ni sud, à ses taloches devant, sans queue et sans tête. Je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. Lentement, je m'affale de tout mon long dans l'âme. Je marche à toi, je titube à toi, je bois. Je n'ai plus de visage pour l'amour. Je n'ai plus de visage pour rien de rien. Parfois, je m'assois par pitié de moi. J'ouvre mes bras à la croix des sommets. À la croix des sommets. À mes doigts, les ficelles des souvenirs perdus. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Dégagé de la fausse auréole de ma vie. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Je n'attends pas à demain, je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Yann Perrault et la pièce Je marche à toi sur la compilation 12 hommes rapaillés volume 1. C'est un appel artiste que vous connaissez, Louis-Jean Cormier, Yann Perrault, Pierre Flynn, Vincent Vallière, qui chante Gaston Miron, dont on parlait tout à l'heure dans la chronique, de Marie-Pierre Laforge-Bourret sur le Festival de la Poésie. C'est très bon, Yann Perrault. Oui. On aime ça, hein? C'est ce qu'on dit. On en fait pas assez jouer. C'est un petit peu le résumé de ce qu'on disait tantôt. On en fait pas assez jouer. Parlons un petit peu de blues maintenant, François. Oui, exactement, Mathieu. Je te parle de l'October Blues 2011, 8e édition. Et ça va se dérouler du 6 au 9 octobre 2011 au centre-ville de Joliette. Oh, Joliette City Town. Oui, la ville de M. Fitzbay. Oui, qu'on salue. Simon Fitzbay, mais oui, bonjour à vous. On le verra jeudi. Jeudi, on exactement. On dira en direct, bon Joliette. Là. Et on parle ici, en fait, de l'October Blues de 36 spectacles, 19 lieux de diffusion et 85 artistes blues. Donc, pour les fervents amateurs de blues, ça commence le jeudi 6 octobre. Donc, on parle de plusieurs artistes, là. Bob Harrison, Rick Taylor, Mike Goudreau, King Melrose. En fait, il y a des gens big dans le domaine du blues. Bon. Ouais, exactement. En fait, je connais pas non plus excessivement le blues. Je vous le cacherai pas. Moi non plus. On n'est pas des grands amateurs, mais on peut apprécier quand même les qualités. Hein. Oui, exactement. Donc, ça, c'était pour le jeudi. Vendredi, même chose. En fait, là, on parle des bons groupes. D'ailleurs, vous pouvez aller visiter le www.octoberblues.com pour plus de détails de la programmation. Et puis, voilà. En fait, là, ça se déroule jusqu'au samedi. Et avec le président d'honneur qui est Bob Harrison. Merci François. Merci Mathieu. On n'a pas pris de pause depuis un long bout, hein. Ça doit faire 45 minutes et c'est comme Allons-y. Ça. C'est comme ça, c'est fou. T'sais, les pubs sont très très éloignées les unes des autres. C'est plus le fun à écouter de même. Ok, on revient. Avec la chronique, c'est un fait tantôt. C'est le moment là, de l'émission que vous allez apprécier parce que vous allez apprendre des choses. Entre autres sur l'école secondaire dans Grease et dans Buffy. Oh! Pourquoi? Ah. Quel est le lien? Je sais pas, aucune idée. Rassemble ce qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous. Oh, Coconut Oil. C'est comme un autre point. Assemblage requis jusqu'à 9h. Thank you, Mr. Announcer. We're back, bitches. Ah, maintenant, c'est la chronique, c'est un fait. Oui, c'est la chronique, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. La chronique préférée de François, il n'est pas en train de bailler en ce moment. Non. T'es en train d'écouter de façon intense. Oui. Tu veux absorber les mots par ta bouche. En baillant. En baillant. Si on veut. Ouais. Ouais. Mettons, là, mettons. Ou non. Mettons Mais ou non. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y a des affaires. Je veux affaires, des faits. Donne-moi des faits. Est-ce que tu veux des faits? M'a t'en donné des faits. Si tu demandes des faits, m'a t'en donné. Ah ouais, je vous dis. Commençons par l'Égypte antique. Plus vite que ça. Ah ouais. Je me demande si je l'ai déjà fait, ça. Tu me diras si je l'ai déjà fait. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, je suis confus. Que les gens rasaient leurs sourcils après que leur chat soit mort. Non. Je pense que c'est un autre fait sur l'Égypte. Il y en a beaucoup des faits sur l'Égypte. Ils mobifiaient aussi leur chat mort pour se souvenir d'eux. C'était très important pour eux. Les Égyptiens prenaient les chats étaient très importants. C'est ce que ça veut dire. Oui, exactement. Voilà. Et si un être humain tuait un félin, soit intentionnellement ou non intentionnellement, l'humain recevait la peine de mort. Voilà. Et voilà. Il y a aussi des lois qui interdisaient l'exportation des chats. Mais ils étaient amenés illégalement à l'extérieur du pays une fois de temps en temps. Voilà. Ensuite, en 1945, un coq du nom de Mike a vécu pendant 18 mois sans sa tête. Un coq du nom de Mike. Mike the Cock. Ça pourrait servir à d'autres affaires aussi dans la vie, comme surnom pour un gars. Il a vécu quoi? 18 mois sans tête. Hein? Oui. Un fermier a essayé de l'utiliser pour dans le fond, faire son souper. Mais après lui avoir coupé la tête, le coq était encore en vie. Non. Oui, pendant ces 18 mois-là, Mike a vécu sous le nom de The Headless Wonder Chicken, le poulet merveilleux sans tête. La merveille. Il a grossi jusqu'à ce qu'il fasse 2,5 livres. De 2,5 livres à 8 livres, son poids qu'il a grossi. Voilà. Éventuellement, il est décédé en s'étouffant. On nourrissait Mike avec une pipette dans son œsophage. C'est quand même quelque chose. Non? Un poulet, ouais. En tout cas, nourri à la pipette. Eh bien, surprenant. Ensuite, parlons. J'ai de la misère aujourd'hui, je m'excuse, ça va aller. La même école secondaire a été utilisée dans Grease, c'est Briancine, les films Briancine, ouais. Et dans Buffy contre les vampires. C'est l'école John Marshall High School de Los Angeles, en Californie, qui est apparue tellement de fois à l'écran parmi les décennies. Elle a été utilisée, la devanture de l'école et non pas l'intérieur, là, a été utilisée dans les séries Boy Meets World, Hannah Montana, Who's the Boss, ça c'est Madame est servie, The Wonder Years, Boston Public et Sister Sister. Ça a été utilisé dans Buffy the Vampire Slayer, le film. Il y avait, tu sais, le film avant la série, là, celui qui était avec une autre actrice qui jouait Buffy, je sais pas si t'étais au courant. Non. J'écoute pas ça, moi. Non, c'est bon quand même. Et Raiders of the Lost Ark, là, le film avec Indiana Jones. Transformers, School of Rock, Nightmare on Elm Street et Pretty in Pink. La séquence de fin du film Grease a été filmée sur le terrain de football de cette école-là. Et le basketball court, comment tu appelles ça en français, un court de basketball? À l'intérieur de l'école, en tout cas, ça a été utilisé dans le film Space Jam, tu sais, avec les personnages de dessin animé. Là. Et la bibliothèque a été utilisée pour le vidéoclip Hot for Teacher de Van Halen. C'était l'école John Marshall High School de Los Angeles, en Californie. Dans la série Star Wars, l'Empereur, tu connais l'Empereur dans Star Wars? Oui. Était joué par une femme à l'origine. Le personnage de l'Empereur Palpatine, le patron, la patronne, finalement, ben le patron de Darth Vader, le personnage était un gars, hein, si je comprends bien, a fait sa première apparition à l'écran dans le deuxième ou cinquième, dépendant quelle chronologie vous préférez utiliser, là, des films de Star Wars, The Empire Strikes Back en 1980. C'était avant que Ian McDiarmid ait été choisi pour jouer le rôle dans Return of the Jedi et la trilogie là, des pré-suites. Moi, j'appelle ça en français des pruites. Hein, c'est des prequels. Hein, parce qu'en anglais, ils combinent sequel, qui est une suite avec pre comme pré. Hein. Fait que ça fait pruite en français, François. Bon. Donc, à la place, c'est le directeur, le réalisateur au maquillage, Rick Baker, qui a déguisé sa femme, Elaine Baker, pour jouer le rôle dans le film original. En post-production, des yeux de chimpanzé ont été ajoutés par-dessus la face de Miss Baker, pour qu'elle ait l'air un petit peu plus dérangeante. La voix était fournie par un homme, l'acteur de renommée mondiale, Clive Reville. La scène a été refilmée avec McDiarmid et un dialogue un peu différent pour la sortie sur DVD. Tu sais comment le gars aime bien gros modifier les DVD et les Blu-ray, là, George Lucas. Bref, si vous voulez voir la version originale de la femme avec des yeux de chimpanzé, ce serait sur VHS ou encore sur YouTube. Savais-tu, François, que ça prend 12 abeilles? À 12 abeilles, ça leur prend toute leur vie pour faire une cuillerée à table de miel? Pour vrai. Pour vrai. Il y a vraiment des faits que j'ai l'impression d'avoir fait. Ça se peut très bien que j'ai les effets, ça. Ensuite, on dit que... on va y aller avec quelques faits rapides. Là, la fin de l'émission approche, François, dans la chronique. C'est un fait. Tu sais, cette chronique-là ne peut pas durer éternellement. Elle ne peut pas durer éternellement, dit-il. S'il vous plaît. La chronique aurait bien été aujourd'hui si ça n'avait pas été d'Internet. Parce que Internet fait que ma chronique est très difficile à faire. Ça ne charge pas du tout. Fait qu'on va finir la chronique ici, puis on va garder les autres pour demain, OK? Ben oui, certainement. À moins que dans les prochaines secondes... 5, 4, 3... 9, là, OK. Yeah. Ça va très bien. Le plus grand casse-tête du monde commercialement disponible. À combien de pièces? Combien de pièces? Oh, des pièces, mais ça dépend de quelle grosseur ont les pièces, là. Sont petites. Je dirais 1 million. Non, quand même pas. 32 256. C'est poche, c'est pas beaucoup. OK, prochain fait. En Espagne, aujourd'hui, il y a plus de 2500 châteaux. 2500 châteaux en Espagne. Et si on inclut toutes les bâtisses fortifiées, ça augmente à 10 000. 10 000 bâtisses fortifiées en Espagne, OK? Les c'est New Jersey... Ouais, c'est tout. Il y en a des plats. Les Nets du New Jersey, est-ce que tu connais cette équipe-là? Les Nets. C'est dans quel sport, c'est les Nets du New Jersey? C'est beau, ça. En tout cas, bref, ils ont confirmé il y a quelques heures, en fait hier, qu'ils ont changé de nom. Ils vont devenir les Brooklyn Nets. Eh bien, en 1994, pour ceux qui connaissent l'équipe, ils avaient considéré changer leur nom pour Swamp Dragons, les dragons de Swamp. Ça aurait été joli. Savais-tu que le mot Taser est un acronyme? OK, non. Peut-être que oui. Peut-être. Ça veut dire Thomas A. Swift's Electric Rifle, l'arme électrique de Thomas A. Swift. Taser. C'est lui qui l'a inventé. Tu connais River Phoenix? Ouais. Le du groupe, là, c'est quoi le groupe de musique? Là? Phoenix Six, non? Non. Attends un peu. River Phoenix... C'est un membre de... Colin, de quelle affaire? C'est un acteur. J'ai Phoenix TX, mais... River Phoenix. De son vrai nom, River Jude Bottom, acteur américain. C'est un acteur, OK. Acteur, je pense que c'est un chanteur. Mais bon, River Phoenix, son vrai nom, c'était River Bottom. C'est ça, comme on vient de le dire. Ouais. Sa famille a plus tard changé son nom pour Phoenix. Eh bien, les États-Unis ont banni la vente des land darts. Tu sais, les darts, là, dans les, si tu fais jouer sur du gazon, c'était comme un jeu de darts, mais sur gazon. Ouais, que tu lançais, là, je sais. Ils ont banni ça en 88 parce que. Savais-tu pourquoi qu'ils avaient banni ça? Non. Trois morts à cause de ça. Ben ouais. Les parents, on leur conseillait de les détruire immédiatement, les land darts. Eh bien. Et tu te rappelles les Google Doodle, c'est les dessins sur la page d'accueil de Google? Ouais. Bon, le premier. Ouais. Le premier Google Doodle, ouais. C'était pour le Burning Man Festival. C'est le festival Burning Man. En 1998, Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, étaient là-bas au Burning Man. Et là, ils avaient décidé de faire un logo pour ça, spécial. Oh. C'est super. Hein? Fait que pour vrai, on garde le reste pour demain. L'émission est terminée. Pic-en-lic, c'est un fait. On la mettra pas les meilleurs moments. On s'entend là-dessus. on se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'on a demain dans l'émission, François? Sais-tu? Demain, on reçoit Yann Martel qui nous parle de l'aide financière. C'est à 8h30. Avant ça, on a notre amie Myriam Fugère avec sa chronique culturelle. Et elle appelle ça sa chronique aléatoire. Donc, c'est ce qui lui vient dans le moment. Et on va parler à Mme Valérie Bellerose qui va nous parler du transport collectif. Oh, le transport collectif, c'est demain matin à 7h. 7h30. 7h30, elle, parfait. Mais nous, on commence à 7h. Oui! À moins que tu veuilles qu'on commence à 7h30 demain. Oui, OK. OK, parfait, vendu. Non, mais... Non. Non. Soyez là quand même à 7h. Reste à l'écoute pour le Dîner de con qui commence à 11h avec Danny Janvier. Puis en après-midi, si vous avez raté le Voyage insolite avec sa culture rock, sa littérature et le cinéma fantastique, ça c'est à 13h. À 14h, c'est Album classique avec Simon Fitzbé. Merci. Merci, Plum. Merci, François-Olivier Marchand. À demain. Hey, à demain. N'oubliez pas une dose d'estrogène à 16h. Oui. Oui, bye. Bye bye. On se quitte avec Madman et Knuckle Down. Quand ça va bien? L'émission finit bien, je trouve. D'habitude, elle commence mal, elle finit mal. Ça arrive, ça va bien. C'est bon pareil, hein? Ouais, c'est bon. C'est ça. Aucun souci. Allez, bonne journée! Bonne journée à tous. M'énerve.